C'est la plus grosse planète de notre système solaire. Elle est plus massive que toutes les autres planètes réunies. C'est certainement la plus ancienne aussi. On l'a qualifiée longtemps d'étoile ratée. Et Jupiter garde encore de nombreux secrets. Il faut dire que son étude est complexe, il ne fait pas bon se mettre sur son orbite compte tenu des radiations qu'elle émet. Et pourtant, malgré tout cela, il est possible que la vie soit apparue juste à ses côtés, sous l'épaisse couche de glace de l'une de ses nombreuses lunes. La géante rouge lève le voile. Vous serez tous sur la cinquième planète après le Soleil dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de la géante du système solaire, nous recevons deux géants de l'astrophysique. Bonjour messieurs, Philippe Zarca. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris. Et Olivier Grasset, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au laboratoire de planétologie et de géodynamique de l'Université de Nantes. Alors je le disais dans la présentation à l'instant, on a longtemps dit de Jupiter que c'était une étoile ratée. Est-ce que c'est un mythe qui s'est complètement effondré, Philippe Zarca? Oui, complètement effondré, ça c'est sûr. Pourquoi on dit que Jupiter est une étoile ratée? Parce que Jupiter est une planète géante et Jupiter émet plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Mais elle n'émet pas cette énergie comme une étoile le fait, c'est-à-dire avec des réactions de fusion nucléaire dans son cœur, parce qu'elle n'est pas assez massive pour ça. En gros, Jupiter est un facteur 10 trop petite pour devenir une étoile. Plus une concentration de matière est grande, plus une planète donc est massive, plus un objet est massif, et plus la pression et la température augmentent dans le cœur de l'objet. Et quand l'objet est assez massif, la température et la pression montent au-delà de ce qui est possible pour commencer les réactions nucléaires. Et là, on a une étoile. Alors Jupiter n'est pas à ce stade, il a ce qu'on appelle une matière dans un état dégénéré en fait, dans son cœur, mais pas de réaction nucléaire. Ce dont on est sûr en revanche, Olivier Grasset, c'est que, a priori, dans l'état actuel de nos connaissances, c'est la première planète du système solaire qui se soit formée après le Soleil. Et ça dépend à quel moment vous situez le premier, parce que là-dessus je suis clair, dans le jargon du planétologue de base, toutes les planètes se forment en même temps. Après, au niveau des spécialistes, et je dirais presque en même temps que le Soleil, mais après, au niveau des spécialistes, en effet, on va rentrer dans le détail. Et en effet, Jupiter a dû se former un peu avant les autres, un tout petit peu avant les autres, ce qui va expliquer pas mal des choses qu'on observe durant le système solaire actuel. Mais soyons très clairs, quand on remet les choses au premier ordre, sur les 4,55 milliards d'années, tout ça, ça se passe dans les tout premiers âges du système solaire. Il y a une chronologie qui est pas clair encore, mais qui met très clairement Jupiter en candidat favori pour ce qui est des origines. Le scénario et l'histoire de Jupiter est indispensable pour comprendre comment les autres planètes se sont formées. On peut pas former Jupiter n'importe où, en faire n'importe quoi, parce que ça conditionne énormément la face qui va rester dans les autres planètes. Vous l'avez dit vous-même, toute la matière de Jupiter, à elle toute seule, c'est plus que la totalité de la matière de toutes les autres planètes réunies. Donc ce qu'il y a dedans conditionne ce qu'il y a dans les autres. Et à partir de là, ça contraint pas mal les modèles de formation. Mais encore une fois, restons très prudents sur est-ce qu'elle s'est formée en premier ou pas. Alors faisons, si vous le voulez bien, en quelques mots rapidement, une sorte de carte d'identité de la planète. On l'a dit, c'est la cinquième après le Soleil, la première du système solaire extérieur, la première géante gazeuse. Comment d'autres, avec quel autre terme on peut définir Jupiter, Olivier Grasset? Quand on a monté la mission JUICE, il y a quelques années, on a utilisé l'appellation la planète des superlatifs. C'est la plus grosse, c'est la plus dynamique, c'est aussi celle qui a la plus grosse magnétosphère, c'est celle qui a le plus de satellites, c'est la plus complexe. Et avec ça, je caractérise en deux mots ce qu'est le système de Jupiter dans son entier. Qu'est-ce qu'on sait en termes de révolution, de rotation? Oui, donc c'est une planète qui fait 11 fois la taille de la Terre. C'est aussi le troisième objet le plus brillant dans le ciel, après la Lune et Vénus. C'est un objet qui orbite à un peu plus de 5 fois la distance Terre-Soleil, donc qui reçoit 25 fois moins d'énergie du Soleil. La température est donc très basse, on en reparlera probablement. Son année dure environ 12 ans. En revanche, elle tourne très vite sur elle-même. Elle tourne en 10 heures, un peu moins de 10 heures sur elle-même, 9 heures. C'est d'ailleurs pas extrêmement simple pour les planètes géantes de déterminer la vitesse de rotation. parce qu'il y a les nuages qui se déplacent à la surface, au-dessus de la rotation interne. Et sa composition, on sait, donc on dit que c'est une planète gazeuse. Alors, avant de parler peut-être de la composition, est-ce que ça veut dire que Jupiter est constitué de gaz? Est-ce qu'il y a un noyau? Est-ce qu'il y a un sol? Est-ce qu'on sait ça de façon certaine? Alors, on sait de manière certaine qu'il n'y a pas de sol au sens du sol des planètes telluriques. Pour donner une idée de l'appellation planète gazeuse, Jupiter est formé, si je ne me trompe, à 86% d'hydrogène, 13% d'hélium, ce qui laisse donc 1% pour le reste, pour tous les autres éléments. Ce qui est la même chose que le Soleil, hein. Ce sont les mêmes éléments que le Soleil. C'est ça. Et alors que sur les planètes telluriques internes, l'hydrogène et l'hélium sont quasiment absents. Comment est-ce qu'on explique le fait que ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Zarca, que Jupiter dégage plus d'énergie qu'il n'en reçoit du Soleil? Alors c'est environ deux fois plus, hein. Donc c'est quand même une quantité d'énergie relativement faible, hein, puisque bon, le Soleil est... Et encore une fois, 5 fois plus loin que à la distance de la Terre. Alors, à une époque, on pensait que c'était la contraction résiduelle de Jupiter qui n'était pas terminée. Ça, tout à fait. Et puis maintenant, il me semble qu'il y a aussi des questions de condensation d'hélium, en fait, à l'intérieur de Jupiter, qui dégagerait aussi de la chaleur latente, en fait. Je confirme que j'en sais pas tellement plus que toi sur le sujet, mais de fait, parce que ça fait partie de ces objectifs que l'émission à venir, en particulier Juno, doit traiter, parce que ça reste une énigme, hein, ce problème de pourquoi elle rayonne beaucoup plus que ce qu'elle reçoit. C'est pas simple. Il faut savoir qu'en fait, en dessous de l'ordre du millier de kilomètres en dessous de la surface, on a de moins en moins de mesures. Ensuite, c'est la théorie qui nous dit ce qu'on espère y trouver. On pense que quand la pression atteint 1 ou 2 millions de bars, l'hydrogène va passer dans un état un peu bizarre qu'on appelle un état métallique, donc où il s'organise en réseau en fait d'atomes d'hydrogène avec des électrons libres. On ne sait pas s'il y a une graine rocheuse, donc ça c'est des questions auxquelles on espère répondre avec Juno en particulier, mais qui sont très complexes. On va étudier, hein, on va parler tout à l'heure de ce qu'on attend précisément de cette mission de Juno. J'aimerais qu'on finisse cette carte d'identité encore quelques minutes. Une autre des particularités de Jupiter, c'est évidemment ce que l'on voit, ce qui signe son identité, comme les anneaux signent ceux de Saturne, bien que Jupiter a des anneaux et on en reparlera, c'est la tache rouge. Qu'est-ce que c'est que cette tache rouge sur Jupiter, Olivier Grasset? Alors là, je vais peut-être plutôt envoyer Philippe Zarca, qui connaît bien mieux que moi, je peux préciser, mais je pense que tu connais fait, mieux le système que moi. Disons, je connais peut-être moins mal que toi, mais ouais. Je ne travaille pas sur l'atmosphère, mais sur la magnétosphère. La tache rouge, c'est l'équivalent d'un grand anticyclone, on va dire, d'un grand tourbillon. Ce qu'on sait, c'est que... Alors, sa coloration est due à des composés chimiques, à sa composition chimique essentiellement. Ça, je ne pourrais pas vous en donner trop de détails. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a une durée de vie exceptionnelle, puisqu'on l'a observée il y a au moins 3 siècles déjà. On l'a découverte il y a 3 siècles. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment, en fait, sa structure évolue avec la profondeur. Quelles sont ses racines dans l'atmosphère de Jupiter? On ne sait pas du tout à quoi ça ressemble en dessous. La couche superficielle. Voilà, exactement. Et ça, peut-être que les mesures de Juno, on apprendront un peu plus. Oui, en fait, on parle beaucoup de la tache rouge parce que ce qui la rend exceptionnelle, c'est sa taille et sa dynamique. Mais en fait, ça n'est qu'un exemple, je dirais, extrême d'un phénomène relativement classique qui est le phénomène cyclonique. Qui est un anticyclone. Alors, dans le cas présent, oui, mais on a tout un tas d'autres systèmes de tourbillonnaires, on va dire, dans l'atmosphère de Jupiter. Et comme vient de le dire Philippe, en fait, le vrai débat, c'est d'étudier leur dynamique, c'est-à-dire leur dimension temporelle. Là, aujourd'hui, on se rend compte, avec celle-là en particulier, puisqu'on l'observe très très bien, y compris depuis le sol, qu'elle tente à disparaître progressivement. Ce qu'on comprend maintenant, parce qu'on peut l'observer de manière assez continue et régulière et très précise. Bon, en fait, aujourd'hui, on travaille sur l'ensemble de ces tourbillons et de ces systèmes cycloniques ou anticycloniques, parce que, encore une fois, la dynamique de la planète est extrêmement complexe, déjà en surface, ensuite dans toutes les couches de l'atmosphère, et ensuite on se demande vraiment comment ça s'enracine en profondeur. C'est là-dessus que les missions doivent bosser, et en particulier Juno. C'est ce que disait Philippe Zarca en disant que plus on descend, plus on rentre dans du champ théorique, à défaut du champ observationnel. Tout à fait. On peut redonner quelques nombres. Hein. On a parlé d'une planète qui fait presque 70 000 kilomètres de rayon. Oui. La sonde Galiléo, en fait, qui était embarquée avec la mission Galiléo, qui a été envoyée dans l'atmosphère de Jupiter, on était en 95, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 95. Est arrivée à donner des mesures jusqu'à 22 kilomètres de profondeur sous la surface optique. Avec Juno, on va descendre à 200, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 200 kilomètres de profondeur. On est très très loin des 70 000. Donc là, on parle encore de la pellicule périphérique, même quand on commence à travailler. Mais mais effectivement, ça reste très peu, très peu profond. Une autre chose, et là je me retourne vers vous Philippe Zerka, qui caractérise Jupiter, c'est donc sa magnétosphère. C'est une observation beaucoup plus tardive hein, qu'on a appris grâce aux dernières missions. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette magnétosphère de Jupiter ? En fait, on connaît la... Enfin, en tout cas, oui, on va dire on connaît la magnétosphère de Jupiter depuis 1955, très exactement. Parce qu'en 1955, à partir d'observations au sol, en radio, donc pas la radio qu'on est en train de faire en ce moment, mais la radioastronomie, on a détecté une émission radio très intense et très variable, sporadique, provenant de Jupiter. Et rapidement, on s'est aperçu que cette émission radio devait venir d'électrons qui se déplacent dans le champ magnétique de Jupiter. Donc c'était une première preuve de l'existence de ce champ magnétique. Et on a pu mesurer ainsi sa rotation. On a eu d'autres mesures à la fin des années 50 qui ont d'autres mesures radio également à plus haute fréquence qui ont permis d'observer ces ceintures de radiation. Et on a compris qu'à partir du moment où Jupiter avait un champ magnétique intense, puisque le champ magnétique de Jupiter, il a été mesuré assez tôt, grâce à cette émission radio, à la surface de Jupiter, il a une amplitude qui est à peu près 30 fois celle de la Terre, en gros. Mais comme Jupiter est beaucoup plus gros, ce qu'on appelle le moment dipolaire est 20 000 fois celui de la Terre. Voilà. Et donc ce champ magnétique, nécessairement, il oppose une pression vis-à-vis du vent solaire, le vent de particules chargées qui vient du Soleil, et donc il crée une magnétosphère. Donc on savait qu'elle existait bien avant d'aller la visiter. Je vais vous poser donc une question de béotien. Le champ magnétique de la Terre, il est créé par l'activité de son noyau. Ça veut donc dire qu'il y a une activité de fusion dans un noyau au centre de Jupiter ? Ah non, ce n'est pas une activité de fusion. C'est, en fait, on sait assez mal encore comment un champ magnétique naît et se maintient. En gros, les modèles numériques, je crois, à ce jour, n'arrivent pas à reproduire précisément en fait, ce qu'on observe. Notamment, il y a des problèmes de viscosité qu'il faut prendre beaucoup plus élevés que celles qu'on pense être réelles. Et ce sont des mouvements de convection, en fait, et des mouvements verticaux qui vont créer et entretenir le champ magnétique. Donc, il faut des fluides conducteurs qui sont en convection turbulente. Et ça, on pense que c'est le cas à la fois dans Jupiter et dans le cas de la Terre. Je veux juste recadrer les choses sur un point que les auditeurs ne mélangent pas. Quand on parle du noyau de la Terre, on parle d'un noyau de fer, avec en effet de la fusion, qui génère en partie, c'est vrai, le champ magnétique. Qui est en partie responsable du champ magnétique, enfin totalement, mais c'est le processus de la fusion n'est pas nécessaire de manière catégorique sur ce point. Évidemment, quand on parle du noyau de Jupiter, ça n'a strictement rien à voir. Le noyau de Jupiter, c'est tout ce qui n'est pas hydrogène et hélium et tous les volatiles qui ne sont pas hydrogène et hélium qui sont dans l'atmosphère. Et le noyau de Jupiter, non, en fait, c'est un mélange de glace et de roche, qui ne sont pas du tout des glaces et des roches parce qu'on est à 40 millions de pression atmosphérique à peu près et à des températures quand même très très élevées. Mais la constitution, c'est ça. Donc rien à voir avec le champ magnétique. Et après, en effet, l'explication vient bien d'ailleurs. Et est-ce que c'est justement la couche de l'hydrogène métallique? Enfin, à quel niveau ça se passe? Là, on est dans le monde des modèles et c'est loin d'être résolu. Et ce champ magnétique, il crée deux conséquences majeures qu'il faut exposer parce qu'on va en reparler et ça détermine notamment un grand nombre de problèmes pour les missions d'observation et pour la mise sur orbite de sondes. C'est le tore de plasma d'Io et le tube de flux d'Io. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est en quelques mots, Philippe Zerka? Oui, je peux expliquer ce que c'est, mais c'est pas ça qui pose un problème pour les satellites orbitaux. Ce sont les ceintures de radiation qui sont autre chose, en fait. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, quand on a en général, dans une planète comme la Terre, par exemple, qui a simplement une atmosphère et puis des satellites relativement inactifs, géologiquement, eh bien, la magnétosphère, cette région de l'espace qui est gouvernée par le champ magnétique de la planète, elle va être peuplée quand même de particules chargées. Ces particules chargées viennent soit du vent solaire, de l'extérieur, soit de l'atmosphère de la planète, à l'intérieur. Dans le cas de Jupiter, il y a une troisième source qui est extrêmement importante, c'est le satellite Io, parce que le satellite Io, et ça Olivier pourra probablement donner plein de détails, sous l'effet de la gravitation de Jupiter et des perturbations des autres satellites galiléens, eh bien les forces de marée maintiennent l'intérieur de Io extrêmement actif et liquide, et donc Io possède le plus grand nombre de volcans actifs du système solaire à un instant donné. Voilà. Ce volcanisme émet énormément de gaz qui est ionisé et qui se transforme donc en particules chargées, en plasma, en fait, dans l'atmosphère de Io. À partir du moment où les particules sont chargées, soit par collision, soit par le rayonnement solaire, elles sont entraînées par le champ magnétique de Jupiter et forment un espèce de boudin tout autour de l'orbite de Io qu'on appelle le tore de plasma de Io. Voilà. Ça, c'est dans le plan proche du plan équatorial. Et puis, Io et Jupiter par l'intermédiaire du champ magnétique de Jupiter, sont en quelque sorte connectés électriquement. Et cette connexion se fait via ce qu'on appelle le tube de flux de Yu. D'accord. Olivier Grasset, pour compléter ce que une tonne par seconde. Voilà. Pour quantifier. Une tonne par seconde de matériel est expulsée d'Io à chaque fois qu'on parle. C'est chaque ça, seconde où on parle. On peut ajouter qu'il y a un autre tore, parce que c'est un peu simple là. On peut rajouter qu'il existe un autre tore qui est celui d'Europe, qui est beaucoup plus ténu, mais qui existe aussi. Bon, pourtant, il n'y a pas de volcanisme, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et enfin, il faut bien ajouter que tout ça, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de la vitesse rotation de la planète qui est de 10 heures à peu près. Mm-hmm. Et on est en train de parler de ce système-là. Lui aussi, il tourne, il est en co-rotation à ce moment-là. Donc tout ça, il faut l'imaginer de manière très dynamique et très, d'où la notion de très complexe. Et Io est la source de plasma principale dans la magnétosphère de Jupiter. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous sommes avec Philippe Zarca et Olivier Grasset, deux astrophysiciens, pour parler de la planète Jupiter et du système jovien, dont on vient d'entendre qu'il est extrêmement intriqué, puisque on va parler tout à l'heure dans la dernière partie de cette émission, notamment des quatre satellites qu'on appelle galiléens, puisqu'ils ont été observés par Galilée et qui recèlent d'autres informations intéressantes pour nous et pour comprendre la formation du système solaire et peut-être même l'apparition de la vie. Mais si on parle donc de Jupiter tout de suite, on n'en parle évidemment pas tout à fait par hasard, puisque la sonde Juno s'est mise en orbite autour de la planète géante au mois de juillet dernier. Alors avant de parler de ce qu'on attend, puisqu'on a entendu déjà dans cette première partie qu'il y avait plein d'informations qui restent sur des modèles théoriques et dont on attend qu'elles soient confirmées ou infirmées par les observations, eh bien on peut-être faire un tout petit peu d'histoire, puisque Jupiter est donc la première, sans doute en tout cas la première planète observée de l'histoire de l'humanité. Elle est visible dans le ciel à l'œil nu et son nom est évidemment indissociable de celui de Galilée. On a parlé donc des quatre satellites galiléens. En fait, il y a combien de satellites autour de Jupiter, qui sait ? On connaît le nombre exact, Olivier Grasset ? On ne connaît pas le nombre exact parce que ça dépend du critère qu'on se donne pour dire à quel moment c'est un satellite et à quel moment c'est un caillou. Mais bon, on est à 67 satellites, 67 officiels, qui correspondent vraiment à des objets, de taille suffisamment conséquente pour qu'on les considère satellites. Après, il y en a sans doute plus. N'oublions pas qu'il n'y a qu'une seule mission qui a été en orbite suffisamment longtemps jusqu'à maintenant. Bon, Juno est là, mais Juno ne va pas du tout travailler là-dessus. Il n'est pas du tout exclu qu'il y en ait plus. Hein, 67 est le nombre actuel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, ce que vous soulevez à l'instant, Olivier Grasset, c'est qu'effectivement, il y a, et on le sait moins, mais il y a autour de Jupiter, comme Saturne et Uranus, Jupiter a des anneaux. Oui, alors il y a des anneaux beaucoup plus minces que ceux de Saturne autour de Jupiter. Je ne sais pas trop. On les a observés quand, par exemple, ces anneaux, Olivier Grasset ? Bonne question, je vais me poser une colle, je ne me rappelle plus. Assez récent, de mémoire. C'est après l'époque de Voyager, il me semble. Oui, de mémoire, c'est suite aux missions Voyager, c'est vraiment très récent. Voyager 1 et 2. Après, on n'en connaît vraiment pas grand-chose. Vous allez me dire, c'est ce qu'on vous répond assez souvent là, chacune de vos questions, mais bon, c'est un système mal exploré encore. La première vraie mission, parce que donc Jupiter a été survolé. Par des sondes Pionnier, puis Voyager 1 et 2. La première, c'était la seule jusqu'à Juno, sonde à s'être mise en orbite autour de Jupiter, c'est donc la sonde Galiléo. Quels ont été les premiers grands enseignements de cette sonde Galiléo ? Qu'est-ce qu'elle nous a apprise sur Jupiter ? Bon, moi, je vais vous parler plutôt de la partie qui me concerne le plus, c'est-à-dire la partie magnétosphère. Je crois que c'est vraiment Galiléo qui a donné une première vue dynamique, en fait, de la magnétosphère de Jupiter. Galiléo a été en orbite de 1995 à 2002. Mm-hmm. Elle a permis d'observer, en fait, comme le disait Olivier tout à l'heure, que les éjections de matière par Io, qui se propagent ensuite dans la magnétosphère, donnent lieu ensuite à des émissions radio, des émissions de plasma, qui sont extrêmement variables. Il y a eu des passages donc proches de satellites où on a pu effectivement mesurer de près l'interaction satellite-champ magnétique de Jupiter. Bon, évidemment, il y a eu la sonde de descente de Galileo qui a pu analyser l'atmosphère au point où elle est descendue, donc un point qui peut être avant d'être écrasé par la pression. Et alors, qu'est-ce qu'on a appris justement de cette petite sonde? Qu'est-ce qu'elle a pu nous envoyer comme information? Et de quoi est-on sûr? Puisqu'effectivement, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui, pour le moment, sont encore des points d'interrogation. De quoi est-on sûr sur la composition de cette fine pellicule d'atmosphère dans laquelle la petite sonde a pu descendre, Olivier Grasset? Alors, de quoi est-on sûr? Sur les 22 premiers kilomètres des 70 000, oui. C'est ça. Bon, d'abord et avant tout, je dirais qu'on a confirmé, ou en tout cas, cette sonde a fait la première mesure, ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire des premières mesures quantitatives de l'abondance des éléments. Et les éléments, de quoi on parle, on l'a déjà dit, hein, c'est hydrogène, hélium, mais après, on va chercher du carbone, de l'azote, de l'oxygène et du soufre. Voilà, parce que je rappelle, ce qu'on voit de Jupiter, qui est si joli, c'est essentiellement, les belles couleurs viennent des nuages, qui sont donc au niveau le plus élevé, c'est-à-dire à la base de la troposphère. On va avoir des nuages d'ammoniac, et ensuite on a des nuages qui sont des nuages d'hydrosulfure d'ammonium, un mélange de H2S et de H2O. Et puis ensuite, on va trouver sans doute les nuages d'eau. Bon, quand on a dit ça, on est dans le qualitatif. Après, il faut donner un petit peu de quantitatif, c'est-à-dire quelles sont les abondances de ces éléments, c'est-à-dire le carbone qui n'est pas sous forme de nuage, mais qui lui est en fait sous forme souvent de méthane, mais qui est mélangé dans le reste de l'atmosphère, l'abondance de l'azote, etc. Est-ce que c'est plutôt solaire? Est-ce que c'est plutôt plus intense, plus dense, plus riche, je veux dire, que dans l'abondance solaire, etc. On avait des mesures depuis la Terre, on avait des mesures aussi avec d'autres missions. Bon, bah, cette mission Galiléo a donné des contraintes très très fortes sur le fait que les premiers kilomètres, en tout cas la haute atmosphère de Jupiter, est globalement très enrichie dans ces éléments qu'on appelle volatiles par rapport aux éléments fondamentaux que sont hydrogène et hélium et par rapport à l'abondance solaire. Ce qui ne signifie absolument pas que la planète dans son ensemble est globalement enrichi. On est à peu près certain qu'elle a une composition solaire. Un peu de choses près, c'est la même nébuleuse, c'est quasiment la même composition dans l'ensemble. Mais l'atmosphère, non. C'est-à-dire que cette atmosphère est enrichie en éléments volatiles. Après, si on rentre dans le détail, on peut regarder sur les mesures des compositions isotopiques, notamment la mesure du deutérium sur hydrogène, qui nous renseigne sur l'origine de l'eau, et puis aussi surtout sur la manière dont l'azote a été piégé dans l'atmosphère et dans la planète, puisque c'est soit sous forme d'ammoniac NH3, soit sous forme d'azote. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, salé pour les spécialistes des origines, pour ce qui est de comprendre les origines du système solaire, piéger l'azote sous forme d'azote, ou N2, ou sous forme de NH3, c'est pas la même chose. Alors ce qui est bien, c'est que pendant qu'Olivier répondait, du coup, j'ai pu réfléchir. et du coup, je rappelais mes souvenirs. Alors, du point de vue de la magnétosphère, un des grands résultats en fait de Galiléo, c'est la découverte du champ magnétique de Ganymède. Puisque ça, c'est une découverte du magnétomètre d'abord, puis de l'instrument onde en fait de Galiléo. Ganymède, donc l'un des quatre satellites galiléens, est le seul à notre connaissance qui possède un champ magnétique propre. Et un champ magnétique qui est relativement notable. Et donc ce champ magnétique, ce sera même le seul satellite de tout le système solaire. Hein, à notre la connaissance. Lune n'en a pas. Oui, absolument. Et donc, pour reprendre une comparaison, en fait, ce champ magnétique qui forme une petite magnétosphère, qui est incluse et qui interagit avec la magnétosphère de Jupiter, qui est elle-même incluse dans le vent solaire et sa bulle héliosphérique, c'est une espèce de système de poupée russe, en fait, de structure magnétique emboîtée. Et l'interaction Ganymède-Jupiter, d'abord, il faut expliquer la naissance et la persistance de champ magnétique. Et puis, du coup, l'interaction Ganymède-Jupiter se fait par ce qu'on appelle des phénomènes de reconnexion magnétique qui sont très différents de l'interaction des autres satellites comme Io et de Jupiter. Alors, je voudrais rajouter deux petites choses à propos de Galiléo qui me semblent importantes. La première, c'est qu'il faut se rappeler que Galiléo a eu un déboire majeur qui est en fait le mauvais déploiement de son antenne de communication avec la Terre et que donc toute la mission s'est faite virtuellement avec un débit de 10 bits par seconde entre la mission et la Terre. Alors qui en fait, grâce à de la compression de données, a été un peu augmenté, mais c'est quand même un exploit majeur. Et puis l'autre chose, c'est que quand on a une mission spatiale, et on le redira tout à l'heure pour Juno, je pense, c'est toujours une occasion d'avoir un très grand effort collectif de mesures complémentaires. Et là, en l'occurrence, il y a eu énormément d'observations de Jupiter avec le télescope spatial Hubble, en ultraviolet, qui ont démarré à peu près, un peu avant, mais qui se sont intensifiées à l'époque de Galiléo. Et alors, ce qui nous conduit effectivement à la mission Juno, qui vient de se mettre en orbite autour de Jupiter, après un voyage de 5 ans. Et là aussi, Juno, il y a un petit problème, enfin pour le moment, même un assez gros problème, c'est qu'il y a un moteur qui ne fonctionne pas bien, Olivier Grasset. Là, je renvoie directement vers alors, Philippe, qui est quand même co-investigateur sur la mission, Dieu qui connaît mieux que moi. Oui, enfin, alors, un moteur qui ne fonctionne pas bien, bon, il s'est quand même déjà allumé lors de la mise en orbite de Juno, et puis enfin, il s'est allumé plusieurs fois. Non, en fait, ce qui la Juno est sur une orbite assez longue. Hein. Voilà, Juno est actuellement sur une orbite de 53 jours, qui couvre en fait une distance qui va de extrêmement proche de Jupiter, on va en reparler, hein. C'est vraiment le but de la mission Juno, c'est de passer très près sur une orbite polaire, donc une orbite qui est incliné à 90 degrés par rapport à l'équateur et qui passe au-dessus des pôles donc à chaque tour. Et en fait, l'apogée est à de l'ordre de 7 millions de kilomètres par là, près de la frontière de la magnétosphère, justement. Donc c'est une orbite très allongée, en fait. Alors en fait, le plan était... donc Juno est arrivé en orbite près de Jupiter, autour de Jupiter, le 4 juillet dernier. Et les plans initiaux étaient qu'il allait accomplir deux orbites de 53 jours et qu'à la fin de la deuxième orbite, donc vers la mi-octobre, le 19 octobre je crois, il y aurait un allumage du moteur principal qui réduirait cette orbite à 14 jours. Et tout le reste de la mission, qui est à peu près un an et demi, s'effectuerait sur des orbites de 14 jours qui tournent régulièrement, qui changent de longitude à chaque orbite et de permettant de cartographier complètement le champ magnétique, le champ de gravité de Jupiter. Bon. En fait, pendant les étapes préparatoires à l'allumage du moteur, donc le 19 octobre, on s'est aperçu, alors je ne vais pas rentrer dans les détails d'ingénierie technique, qu'il y avait une valve, en fait, qui normalement, lorsqu'on met les réservoirs sous pression, doit s'ouvrir instantanément et qui a tardé à s'ouvrir. Donc on a mesuré ça. Et donc les ingénieurs de la NASA ont estimé qu'il y avait un réel risque que quand on allait faire la manœuvre réelle, en fait, d'allumage des moteurs, elle ne s'ouvre pas à temps et que ça puisse être catastrophique pour la sonde. Donc, c'est que ça puisse la détruire. Oui, ou la mettre sur une orbite complètement... Enfin, voilà. Pas ce qu'il fallait, voilà. Donc, au pire, la détruire. Donc, il était évidemment hors de question de prendre ce risque pour une mission. Il faut voir qu'une mission spatiale comme Juno, comme voyageur, c'est une cathédrale. Oui, bien ça, sûr. Ça mobilise des gens, des moyens, voilà. Ça a été lancé, je ne sais pas quelle est la date de l'année du lancement. En août 2011... Oui, non, ouais, ça a été le lancement depuis la Terre. Sélectionné en 2005. Voilà. Ah oui, la sélection, c'est 2005. Donc ça veut dire. Ce qui est plutôt rapide, c'est 11 ans. Très rapide. Oui, c'est très rapide. 11 ans avant la mise en orbite, pour le coup, c'est effectivement assez rapide. Mais bon, c'est quand même des très gros budgets, beaucoup de gens qui travaillent, des centaines de personnes qui travaillent. Donc, il était hors de question de la mettre en danger. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été prudemment décidé de rester sur l'orbite de 53 jours et d'étudier tous les scénarios possibles. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a un qui consiste à dire, bon, en fait, le problème est maîtrisé, on va faire un peu plus tard, donc lors d'une orbite ultérieure, ce qu'on voulait faire est mettre la sonde sur une orbite de 14 jours. Je crois que ce n'est pas le scénario qui est adopté actuellement. Il y avait un autre scénario extrême qui consistait à dire, on laisse la sonde sur une orbite de 53 jours. Alors, il y a des inconvénients, par exemple, la mission dure beaucoup plus longtemps. La mission devrait être prolongée sur plusieurs années. Au lieu de 18 mois, peut-être 3 ans. Alors, ça pose des problèmes de budget. Essentiellement. Et puis, ça ne pose pas des problèmes de radiation, puisque la dose de radiation est acquise à chaque passage près de Jupiter. Et ça, que l'orbite soit longue ou courte, il y a le même nombre de passages. Ça posait aussi un problème qui était que, comme l'orbite tourne par rapport à Jupiter, en février 2019, l'orbite aurait été dans l'axe Jupiter-Soleil, et donc la sonde Juno aurait été en éclipse pendant plusieurs heures, en éclipse solaire, et comme elle fonctionne sur des panneaux solaires, on n'était pas sûr qu'elle y survive. Bon, il se trouve que là, déjà, il y a une modification possible de l'orbite qui a été étudiée par les ingénieurs de la NASA et on peut éviter ces éclipses. Et puis enfin, il y a une solution intermédiaire qui consiste à allumer ces moteurs, on va dire le moteur de manière, on va dire un peu plus brutale, c'est-à-dire pas de manière graduelle et sans utiliser cette valve qui pose un problème. Et là, on pourrait mettre la sonde sur une orbite de 20 jours et je crois que c'est le scénario qui va peut-être être privilégié d'ici quelques mois. Alors ça, c'est pour la petite aventure spatiale qu'on suit presque comme les nouvelles de Philae et de Rosetta, enfin comme une sorte de feuilleton. Qu'est-ce qu'on attend précisément aujourd'hui de cette mission Juno? Quels sont les principaux enseignements qu'elle doit nous apporter sur Jupiter? Olivier Grasset. On est clair, cette mission, c'est une mission Jupiter, point. C'est pas une mission sur le système, c'est Jupiter et sa magnétosphère. Et le fait qu'elle ait une orbite polaire est là pour illustrer, je pense, de la manière la plus remarquable qui soit, le côté novateur du projet. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut pas oublier, quand on va vers Jupiter, on arrive généralement sur le plan équatorial. C'est-à-dire, on arrive de la Terre, donc on arrive dans le plan équatorial sur lequel tournent toutes les lunes. Et si vous regardez les photos de Jupiter, avant Juno, vous constatez qu'on a de très belles images, très belles résolutions sur les zones équatoriales et on a un flou artistique magnifique sur tout ce qui concerne les zones polaires. Parce que l'on regarde depuis la Terre ou que l'on regarde avec les missions type Galiléo ou Cassini qui passent, on arrive toujours avec... Cassini qui est la mission voilà, qui est autour qui est de Saturne et qui a pris quelques photos au passage. On arrive à proximité de ce plan équatorial. Juno change le monde. Juno arrive, se met en orbite polaire, donc va nous apporter pour la première fois une imagerie à la fois temporelle et spatiale, de même résolution sur les zones polaires et les zones équatoriales. Et ça, ça change tout. Enfin, en tout cas, ça va, comme souvent, poser sans doute plus de questions qu'apporter de réponses, mais en tout cas, ça va complètement changer la manière d'appréhender et d'étudier la planète, parce que pour la première fois, en 3D, on va avoir une cartographie globale avec la même résolution et la même précision. Ça, c'est le premier ordre. Après, on va peut-être aller dans le détail, mais je vais laisser Philippe peut-être aborder la question magnétosphère avant qu'on revienne à l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'on attend de Juno sur la magnétosphère, Philippe Zerker ? Donc, si on parle de magnétosphère, on peut parler de deux choses. En fait, c'est de champs magnétiques qui se ramènent plus à la structure interne, et ça, Olivier y reviendra, je pense, mais on peut quand même en dire un mot, c'est que quand on étudie l'environnement électromagnétique, on va dire, hein, électrique et magnétique de Jupiter, eh bien, les particules chargées qui rentrent en jeu, qui produisent les aurores, qui produisent les émissions radio, les échanges d'énergie, l'interaction avec le vent solaire. Dites tout juste un mot sur les aurores de Jupiter, parce que c'est aussi alors, intéressant. Les aurores sont donc deux sortes d'ovales qui entourent les pôles magnétiques au nord et au sud, hein, environ une dizaine de degrés, avec à l'intérieur des aurores des régions extrêmement dynamiques. C'est principalement une émission ultraviolette, hein, de bandes de l'hydrogène, et elles sont très brillantes. Très active, très dynamique, et il y a même des aurores au pied des lignes de champ magnétique qui passent par les satellites galiléens et qui traduisent leur interaction électromagnétique avec le champ magnétique de Jupiter. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que quand on étudie la magnétosphère, la carte routière, finalement, sur laquelle les particules se déplacent, qui va gouverner toute la dynamique, c'est le champ magnétique. Or, le champ magnétique, avec les sondes spatiales précédentes qui sont restées proches de l'équateur, on le connaît extrêmement mal, parce qu'on l'a mesuré seulement près de l'équateur, donc on l'a extrapolé pour le reste de la planète, mais il est très mal connu, en particulier il est très mal connu près des pôles, là où tout se passe en termes d'aurore, en termes d'accélération de particules. Voilà. Et donc, une première chose que va faire Juno, c'est, grâce à son orbite qui passe à chaque tour, finalement, très proche de Jupiter, du nord au sud, en passant par l'équateur, on va mesurer le champ magnétique sur des espèces de tranches d'orange, de quartiers d'orange, de manière extrêmement serrée, et ce filet à mailles serrées va donner une description du champ magnétique parfaite, disons. Pour faire bref. Et ça va donner une espèce de carte routière idéale pour comprendre les mécanismes. Alors pour la magnétosphère, ce qu'on peut dire en gros, c'est que la magnétosphère, c'est le milieu qui est autour de Jupiter, qui est baigné et gouverné par son champ magnétique. Et quoi qu'il se passe dans la magnétosphère, les lignes de champ magnétique sont finalement focalisées principalement au voisinage des pôles. Donc c'est là que tout se passe. Tous les phénomènes dynamiques dans la magnétosphère vont donner des particules qui précipitent sur la planète et produisent des aurores. Et donc les aurores, c'est en quelque sorte l'écran de télé sur lequel se projette l'activité de la magnétosphère. Et donc la trajectoire polaire, évidemment, permet de les voir sous une incidence nouvelle. Olivier Grasset. Juste pour compléter, nos auditeurs ne voient pas du tout de quoi on parle, le télescope Hubble a fait régulièrement des observations exceptionnelles des aurores. On vient de mettre sur le fil Twitter de la méthode scientifique, sur le compte de la méthode FC, une photo d'une aurore boréale au sommet de Jupiter qui est magnifique. Voilà, tout à fait. Et alors maintenant, pour revenir sur ce que ça va vraiment faire de neuf, on l'a abordé tout à l'heure, la sonde de Galiléo est descendue à 22 km. Il faut bien comprendre que, en fait, notre capacité à aller explorer les profondeurs de Jupiter vient aujourd'hui de notre capacité à explorer différentes longueurs d'onde. C'est-à-dire d'avoir des instruments qui vont aller, en fonction de la longueur d'onde à laquelle ils vont faire des images, on va dire, ou des spectres, explorer différentes profondeurs. L'UV va être plutôt dans la haute atmosphère, l'infrarouge va aller jusqu'au nuage d'ammoniac, les domaines micro-ondes vont permettre d'aller jusqu'aux 200 km dont on parlait, qui n'ont jamais été explorés, qui vont pour la première fois permettre, on espère, un peu mieux comprendre ces processus de couplage verticaux, si vous voulez, ou l'enracinement de ces fameuses zones cycloniques ou anticycloniques dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment nouveau aussi, et peut-être... c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a énormément d'attentes. Il faut aussi peut-être préciser quelque chose qui est une particularité de Jupiter, Olivier Grasset, c'est que l'atmosphère de Jupiter subit une rotation différentielle. C'est-à-dire qu'elle ça ne tourne pas à la même vitesse à tous les endroits de l'atmosphère. Tout à fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, sur le fait que quand on parle de la vitesse de rotation de la planète, il faut être extrêmement vigilant sur ce dont on parle, puisque on l'a dit, c'est une géante gazeuse. Bon, elle n'est pas gazeuse jusqu'au centre, on l'a dit aussi, mais de fait, on imagine bien un corps extrêmement complexe où les vitesses de rotation ne sont pas les mêmes partout. On est sur des processus de couplage, on dit, qui sont encore très largement inconnu. C'est pour ça que pour mesurer en général ce qu'on appelle la rotation interne, on se fonde en fait sur, par exemple, les émissions radio, parce qu'on pense qu'elles prennent naissance le long de lignes de champ magnétique, et le champ magnétique, lui, est en quelque sorte vissé avec l'intérieur de la planète. Et pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, chaque mission d'exploration spatiale est une cathédrale, donc Juno commence tout juste sa mission que nous sommes déjà en train de préparer. La suivante, on l'a évoqué tout à l'heure avec vous, Olivier Grassel, s'appelle JUICE pour Jupiter Icy Moon Explorer. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé à l'observatoire de Meudon où l'on prépare cette mission JUICE qui doit décoller en 2022. Oui, au LESIA plus précisément, un laboratoire où on étudie l'étude spatiale et les instruments qui seront embarqués. Et j'ai rencontré Thierry Fouchet et Sandrine Kervet qui travaillent sur MAGIS. MAGIS est un spectromètre qui sera embarqué à bord de la mission JUICE. C'est comme un appareil photo très puissant qui va pouvoir scruter Jupiter et ses lunes dans tout le visible et l'infrarouge. Le but est d'en avoir une cartographie extrêmement précise. Et pour cela, avoir des bons instruments de mesure, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir analyser les données et c'est justement l'objectif des chercheurs, perfectionner les méthodes de traitement d'image pour révéler le système jovien dans les moindres détails. MAGIS et la mission de JUICE va avoir deux phases. L'une où elle sera en orbite autour de Jupiter pendant 2 ans et l'une où elle sera en orbite autour de Ganymède pendant 1 an à peu près. Donc pendant les 2 années en orbite autour de Jupiter, on va étudier la planète Jupiter, on va étudier la magnétosphère, c'est-à-dire les électrons et les protons qui sont en orbite autour de Jupiter, et puis on va faire aussi des survols très rapprochés des satellites de Jupiter que sont Europe et Callisto. Donc on va étudier tout le système jovien dans son ensemble. Nous, on a une contribution qui est informatique, en fait, où on va fournir la géométrie, c'est-à-dire les coordonnées qui vont être observées par MAGIS à la surface des satellites glacés ou à la surface de Jupiter. Et vous allez en tirer toutes les informations pour reconstituer une cartographie assez fidèle ? C'est exactement ça. Donc, il y aura des images qui seront prises par l'instrument MAGIS. On saura dans quelle direction a regardé MAGIS. On saura quelle était la position du satellite autour de Ganymède et autour de Jupiter au moment où ont été faites les observations. Ensuite, il faut traduire ça en coordonnées, comme les coordonnées GPS, hein, en coordonnées à la surface soit de Jupiter, soit des satellites glacés. Donc pour ça, il faut des outils informatiques que l'on possède ici et on peut reconstituer donc la position point par point de l'image en coordonnées latitude, longitude, altitude à la surface des objets. Là, Thierry, il pourra analyser des données de MAGIS. On va récupérer aussi les données spectrales pour analyser, par exemple, quelle est la température dans l'atmosphère de Jupiter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait vous décrire, parce que ça, c'est notre travail de recherche. Et ça implique aussi d'étudier finement son atmosphère par des études en spectrométrie, spectrographie. Oui, parce que l'idée, c'est d'avoir des spectres en chaque point de la planète. Donc, il faut bien connaître les positions, les coordonnées de nos données. Par exemple, cartographier les températures, il faut pouvoir bien assigner chaque point à sa coordonnée spatiale pour ensuite faire des interprétations sur les variations de température avec la latitude. Si on observe des variations aussi, même en longitude, ça peut être la signature d'ondes atmosphériques. Donc il y a des... Après, on peut faire l'équivalent de la météorologie, mais sur Jupiter. Il y a des capteurs qui mesurent à la fois la pression, la température, la lumière. Sur Jupiter ? La température, on la mesure à distance. On ne fera que de la télédétection, c'est-à-dire qu'on regarde à distance, et c'est la quantité de rayonnement lumineux qui nous arrive qui nous permet de remonter la température de Jupiter. Mais on ne va pas rentrer dans l'atmosphère de Jupiter pour pouvoir y mesurer directement in situ la température ou la pression. Donc le satellite tourne autour de Jupiter, on ne va pas regarder en permanence, mais on va regarder un certain nombre de moments, et on pourra comme ça, à partir des observations, remonter à la température de l'atmosphère de Jupiter, point par point, et même en fonction de l'altitude. C'est un logiciel qui permet d'ouvrir de ce qu'on appelle des cubes de données. Des cubes de données, puisque en fait on fait des images 2D, mais aussi qui ont une dimension spectrale. Donc ce sont en fait pas juste des images plates, mais des cubes qui ont une troisième dimension. La troisième dimension étant la longueur d'onde, ou encore ce qui correspond plus ou moins à la couleur. Donc on peut regarder Jupiter dans le bleu, dans le jaune, dans le vert, et dans le rouge, et dans l'infrarouge. Et regardez comme ça, à ce moment-là, les éléments chimiques qui sont dans Jupiter. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de spectres. Jupiter, voilà, un spectre de Jupiter. Donc là, on voit en fonction de la longueur d'onde, la lumière émise par Jupiter, et on voit qu'il y a des endroits où il y a des absorptions, moins de lumière, et ces absorptions correspondent par exemple au méthane. Ici, on voit la réflexion du solaire, du rayonnement solaire qui correspond au nuage, et donc on peut savoir si le nuage est sombre ou le nuage est brillant. Et ici, plutôt vers 5 microns, on a des différents spectres, et là, c'est plutôt le rayonnement thermique profond de la planète que l'on voit. Donc si c'est brillant, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de nuage et que l'on voit profondément et chaud dans la planète, tandis que si c'est froid, ça veut dire qu'il y a des nuages qui nous empêchent de voir les couches profondes et chaudes de la planète. On peut avoir une meilleure compréhension de la chimie et atmosphérique de Jupiter grâce à ces méthodes-là. On a une meilleure compréhension des éléments chimiques qui sont dans Jupiter. On peut savoir comment ils sont répartis à la surface de la planète. Et donc, on peut essayer de savoir comment ces éléments chimiques sont produits, comment ils sont transportés, quel est leur temps de vie, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et pourquoi Jupiter a cette espèce? Quand on regarde Jupiter, on voit par exemple qu'il y a des endroits qui sont colorés, comme la tache rouge. C'est pas toujours, ça veut dire qu'il y a des éléments chimiques particuliers qui ont coloré cette tache rouge. On aimerait bien savoir lequel ils sont. On a quelques idées, mais pas de certitude absolue. Donc avec ce genre de spectre, on peut essayer de savoir quels sont les éléments chimiques qui donnent sa couleur à Jupiter, par exemple. À l'issue de la mission JUICE, dans les années 2030, on pourra avoir une meilleure étude de Jupiter, de ses satellites, et donc du système solaire. Oui, l'objectif c'est de mieux connaître les satellites, de mieux connaître la planète, et puis de savoir qu'est-ce qu'on aura envie de faire ensuite. Si on caractérise bien la profondeur de l'océan sur Europe ou sur Ganymède, on aura peut-être après envie d'aller voir ce qu'il y a dans cet océan. Ça sera la prochaine étape. Voilà le reportage du jour à l'observatoire de Meudon, où l'on prépare donc cette mission de JUICE que vous connaissez bien. Olivier Grasset, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Non, ma première réaction, c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur Juno. On parlait des cathédrales. Bon, bah là, juste pour faire réaliser, mission sélectionnée en 2012, décollage en 2022, arrivant en 2029. C'est du travail de longue haleine. Et évidemment, nous attendons énormément de cette mission pour ce qui est de son retour scientifique, tant sur Jupiter que sa magnétosphère, que l'ensemble des lunes dont on vient de parler dans le reportage. J'ajouterais juste que MAGIS est un des 10 instruments embarqués et qu'on peut faire un reportage du même genre sur chacun d'entre eux, parce qu'ils vont tous apporter quelque chose d'exceptionnel. Il faut préciser que JUICE, qui a une autre opération EMFM, qui est une mission américaine, Europa Multi Flyby Mission, que JUICE, elle, est une opération européenne. Donc dans JUICE, il y a Jupiter Icy Moon, ce que Juno n'étudie pas jusqu'à présent, et ce que va faire JUICE et ce que va faire cette autre mission américaine MFM, c'est évidemment nous en apprendre plus sur ces lunes glacées. Ce sont des lunes glacées qui ont attiré depuis quelques années maintenant vraiment l'attention et la curiosité de la communauté astrophysique. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tellement à ces lunes froides dont on pouvait imaginer pendant longtemps qu'elles ne nous apprendraient pas grand-chose, Philippe Zarca? Alors bon, je parle encore des satellites galiléens ici, hein, oui, bien je sûr. Parle sous contrôle d'Olivier. On a maintenant de bonnes raisons de penser qu'il y a un océan sous les glaces d'Europe et probablement entre des couches de glace près de la surface de Ganymède. Ça, c'est extrêmement important parce que bon, beaucoup de planétologues ou les astrophysiciens en général, et le grand public certainement, ont toujours une arrière-pensée. Hein. On pense que la vie peut éclore sur une planète ou dans un milieu favorable, qui peut être par exemple un milieu liquide. Voilà, donc ça peut être un endroit où on peut aller chercher de la vie. Bon, on y reviendra peut-être, mais on disait plutôt que Ganymède avait un champ magnétique, hein, et ça serait très intéressant pour JUICE également, puisqu'il sera en orbite autour de Ganymède. Et en général, on pense que... Alors ça ne s'applique pas spécialement à Ganymède, mais qu'un champ magnétique, ça peut être un facteur, disons, favorable pour l'apparition de la vie sur une planète, parce que ça protège d'un bombardement par des particules. Alors là, ce n'est pas le cas de Ganymède. Je ne sais pas. Olivier Grasset, pourquoi elle nous passionne tant? Dans plusieurs émissions consacrées à l'astrophysique, ici même autour de cette table, on a entendu certains astrophysiciens en disant que c'était aujourd'hui la perspective la plus alléchante aujourd'hui de l'exploration du système solaire. C'était ces lunes froides autour de Saturne ou de Jupiter et ces océans souterrains. Oui, je ne vais pas avoir peur ici à l'antenne de France Culture de dire que je fais partie des sceptiques vis-à-vis du vivant et de la vie possible sur les lunes de glace de Jupiter et Saturne. Autant je suis complètement convaincu qu'il y a des océans. J'ai absolument aucun état d'âme là-dessus et c'est une des raisons qui a motivé justement les objectifs scientifiques de la mission de Jutz. Et autant je suis convaincu que nous avons, je vais dire, une absolue nécessité, au moins dans le domaine des spécialistes, d'aller explorer ces objets très particuliers, ces environnements extrêmement particuliers, parce qu'ils sont réellement habitables. Au sens où, si on amène nos propres micro-organismes, ils pourront s'y développer. Ça reste à prouver, ça reste à démontrer, et les missions comme la mission américaine qui pourrait partir vers Europa, ou la mission JUICE qui va, après ces deux ans de croisière, on va dire, dans le système, aller autour de Ganymède, ont clairement ces objectifs en vue de mieux caractériser ces environnements très particuliers où il y a de l'eau liquide. Mais vous ne me ferez pas dire, et je reste extrêmement prudent dès qu'on aborde le domaine du vivant, parce que c'est deux choses complètement distinctes, les origines de la vie sur Terre, telles qu'on les a compris, ne sont absolument pas applicables au système des lunes de Jupiter et Saturne, et il va falloir sacrément se creuser la tête pour imaginer du vivant là-bas. Maintenant, bon, c'est pas le débat du jour. Néanmoins, c'est passionnant. Quelles sont les raisons de votre scepticisme? Parce que, pour prendre le cas d'Europe, qui est la candidate favorite, en tout cas quand on s'intéresse à ces lunes glacées, il y a des geysers, on pense que les effets de marée, la proximité de Jupiter créent du coup un réchauffement qui a probablement une activité tectonique en surface, donc des rapports entre la surface et en dessous qu'il y a vraisemblablement de l'activité hydrothermale. En tout cas, il peut y avoir une chimie intéressante, à défaut de vie. Mon scepticisme n'est pas lié à, je dirais, une compétence scientifique particulière. C'est plus mon expérience de spécialiste du système et du concepteur du projet JUICE avec mes collègues européens, où on a peut-être trop vécu ces dernières années ce raccourci abusif, selon moi, qui est que puisqu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Et non, c'est pas vrai. La mission JUICE n'est pas une mission d'exobiologie, ça n'est pas une mission de recherche du vivant, ça n'a rien à voir, c'est une mission planétaire qui étudie un système avec tout un tas d'objectifs scientifiques qui sont extraordinairement passionnants, mais qui n'ont rien à voir avec le vivant. Mm-hmm. Bon, cela étant dit, pour répondre réellement à la question, à ma compréhension actuelle des origines de la vie sur Terre, qui est aussi quand même quelque part associée à la complexité du monde pré-RN et tout ça, nécessite quasi tout le temps et systématiquement une interaction atmosphère eau et une interaction eau silicate pour faire de la chimie, pour faire tout un tas de choses et de l'énergie. L'interaction eau silicate, pas de problème, nous pouvons la voir au moins sur Europa et pour ceux qui connaissent sur Encelade autour de Saturne, mais nous ne l'avons sans doute pas, en tout cas ça reste complexe à avoir sur les autres lunes Ganymède et Callisto parce que, comme l'a dit Philippe, l'océan n'est pas en contact avec les roches, il est piégé entre deux couches de glace. Mais pour autant, cette interaction eau silicate, on doit la voir. Mais à un moment donné, l'interaction avec le Soleil, avec une atmosphère, n'est pas possible sur ces lunes. Je fais partie de ceux qui pensent aujourd'hui que c'est indispensable pour le vivant, que ça l'a été, en tout cas sur la Terre. Bon, je suis certainement pas un grand spécialiste et d'autres avis existent, mais je veux juste faire cette parenthèse qui est très très importante, faire la différence. La mission de JUICE n'est pas une mission tout à fait importante et intéressante à écouter. Philippe Zarca, que peut-on espérer apprendre d'autre de ces systèmes et de ces lunes froides? Il y a quelque chose de particulier qu'on peut noter et qui est intéressant sur ces lunes autour de Jupiter, c'est que Europe, Ganymède et Io sont calés dans une sorte de danse orbitale qui est réglée au millimètre avec des périodes qui se répondent. Oui, il y a des résonances en fait. Il y a effectivement des résonances entre ces satellites. Bon, de mon point de vue, en fait, j'en reviens au champ magnétique de Ganymède. Hein, ce qui va être l'intérêt principal, en fait, dans la mission de JUICE en ce qui me concerne. Donc, il y a un autre instrument. Hein, là, on a entendu parler Olesia, donc qui est mon laboratoire, mais qui est divisé en plusieurs composantes. Donc, MAGIS, qui s'occupe de l'infrarouge et de la mesure des atmosphères. Il y a un autre instrument auquel participe étroitement l'Olesia, sans construire directement de partie. Mais en coordonnant en fait la construction, c'est l'instrument RPWI, c'est-à-dire qui s'intéresse aux ondes radio et aux ondes de plasma. Il y a un environnement, il y a donc une interaction entre le champ magnétique de Ganymède et le champ magnétique de Jupiter, qui conduit à des particules accélérées sur les lignes de champ magnétique qui lient ces deux corps. Ce qui veut dire que dans Ganymède, par exemple, on observe deux types de terrains complètement différents. Le terrain qui est au voisinage des pôles magnétiques, qui va être donc sur des lignes de champ magnétiques qui sont connectées à Jupiter et qui est soumis à un bombardement extrêmement fort de particules énergétiques. Et donc ce terrain va être modifié en surface par son bombardement. Et puis il y a le terrain plus équatorial qui va être à l'abri en fait de boucles magnétiques fermées à la surface de Ganymède. Et on voit en fait, déjà avec les observations existantes, des différences de nature de terrain. On sait qu'il y a des aurores sur Ganymède, en fait, à la frontière de ces lignes de champ magnétique ouvertes et fermées. On ne comprend pas encore bien comment se passe l'interaction du champ magnétique de Ganymède et de Jupiter, c'est-à-dire, est-ce qu'il se passe, probablement il se passe sous le phénomène de ce qu'on appelle la reconnexion, les lignes de champ magnétique se connectent entre elles, donc se défont et se refont sans arrêt avec le passage de Ganymède à travers les lignes de champ magnétique. Oui, ce qu'il faut dire, bien sûr, c'est pourquoi il y a cette interaction, parce que le champ magnétique de Jupiter tourne avec la planète, donc en 10 heures, alors que Ganymède, lui, orbite à sa vitesse orbitale, qui est, je ne sais plus, une semaine ou un truc comme ça, enfin une période orbitale d'une semaine. Donc en fait, Ganymède est balayé en permanence par ce champ magnétique. Voilà. Et la reconnexion, c'est un phénomène qui se produit de manière, on va dire, probablement récurrente, et alors peut-être continue, peut-être sporadique en fait, et c'est aussi un phénomène qui se produit entre les magnétosphères et le vent solaire, et là c'est une occasion de l'étudier de manière proche. On voit la particularité, hein, quand on entend tout ce que s'est dit au cours de cette heure, du système jovien et de ses satellites galiléens en tout cas, un Ganymède qui a son propre champ magnétique, son noyau Io qui a une activité volcanique, on ne trouve ça, Olivier Grasset, qu'autour de Jupiter, ça, c'est inédit dans le système solaire. Je dirais que chaque système planétaire du système solaire externe a sa propre complexité, parce que si on regarde le retour scientifique de la mission Cassini autour de Saturne, et si on étudie le système de Saturne, vous pouvez bien évidemment faire une émission entière dessus, tout aussi complexe, et qui illustre de manière parfaite, je dirais, la beauté de ce système et sa complexité, qui est complètement différente. Chaque système est unique, c'est complètement différent de ce qu'il y a à Jupiter, mais c'est tout aussi passionnant. Et pour conclure, en un mot, puisqu'il nous reste une petite minute, qu'est-ce que vous attendez, vous, à titre individuel? Quelle est la science que vous attendez de ces prochaines missions qui vous réjouirait, qui est celle que vous attendez pour votre carrière, pour votre curiosité personnelle de scientifique, Philippe Zarca? Moi, en ce moment, je dois dire que je prends mon pied, hein, pour parler simplement, avec la mission Juno, parce que en étant intéressé par la magnétosphère et les aurores, c'est vraiment une mission idéale pour ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la mission Juno, et d'ailleurs Cassini, à la fin de sa vie, hein, qui va aussi passer en orbite polaire, passe de manière récurrente dans les endroits intéressants qui sont les sources de rayonnement radio, qu'on aille y faire de la microphysique, comme de la physique de laboratoire dedans, qu'on comprenne vraiment les processus intimes et qu'on puisse les transposer à des objets plus lointains. Et Olivier Grasset, pour vous? Là, moi, c'est très simple. Ça fait 10 ans que je travaille sur JUICE. C'est un projet auquel je tiens tout particulièrement, qui arrivera au moment où je vais plus ou moins arriver à la retraite. Je n'ai qu'un seul souhait, c'est que tout fonctionne comme prévu, que l'antenne Grand Gain ne fasse pas comme Galiléo, que toutes les données reviennent et qu'elles satisfassent l'ensemble de la communauté scientifique. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, messieurs. Merci beaucoup, Philippe Zarca. On va mettre sur la page de l'émission La Méthode Scientifique un lien vers votre site personnel. On trouve entre autres non seulement évidemment vos publications, mais aussi les montages sonores que vous faites avec des sons venus de l'espace profond. Merci beaucoup. Il y a des images sonores. Merci beaucoup, Olivier Grasset. Je signale également la parution de ce livre Jupiter, la conquête d'une géante, de James Lequeux aux éditions De Citre. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Léo Quentin, Eve Etienne, Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc et Antoine Beauchamp, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique d'Alia et au droit d'auteur Julie Guéroux. Dans un instant, le journal de 8h, nous on se retrouve demain à 7h, jusqu'à preuve du contraire.